La première chose que j'aperçus en entrant fut un grand feu à droite, contre le pignon d'une maison brûlée. Ne pouvant aller plus loin, je m'y traînai, mais quelle ne fut pas ma surprise en reconnaissant mes camarades. Lorsque je fus près d'eux, je tombai presque sans connaissance. Grangier me reconnut, s'empressa avec d'autres de mes amis de me secourir. L'on me coucha sur de la paille. C'était la quatrième fois que nous en trouvions depuis que nous étions partis de Moscou. M. Serraris, lieutenant de la compagnie, qui avait de l'eau-de-vie, m'en fit prendre un peu. Ensuite, l'on me donna du bouillon de cheval que je trouvai bon, car cette fois il était salé avec du sel, tandis que jusqu'alors nous mangions tout salé avec la poudre. Mes coliques me reprirent plus fort que jamais. J'appelai Grangier. Je lui dis que je pensais que j'étais empoisonné. Aussitôt, il fit fondre de la neige dans la petite bouilloire pour me faire du thé qu'il apportait de Moscou. J'en bus beaucoup. Ça me fit du bien. Le pauvre Rossi arriva, aussi malheureux que moi. Il était accompagné du sergent Bailly, qu'il avait rencontré un instant après avoir été séparé de moi. Ce sergent était celui avec lequel j'avais été changer les billets de banque à Vilna, et avec lequel j'avais pris du café chez le juif. Il était aussi fortement indisposé que moi. En me voyant, il me demanda comment je me portais, et lorsque je lui eus dit comme j'avais été malade après avoir pris le café, il ne douta plus qu'on ait voulu nous empoisonner, ou au moins nous mettre dans un état à pouvoir nous dévaliser. Couché sur de la paille et près d'un grand feu, je m'arrangeais de mon mieux, quand tout à coup je ressentis dans les jambes et dans les cuisses des douleurs tellement violentes que pendant une partie de la nuit je ne fis qu'un cri. Aussi j'entendais dire « Demain, il ne pourra pas partir ». Je le pensais aussi, je me disposais à faire, comme beaucoup avaient déjà fait, mon testament. J'appelai mon intime ami Grangier. Je lui dis que je voyais bien que tout était fini. Je le priai de se charger de quelques petits objets pour remettre à ma famille, si, plus heureux que moi, il avait le bonheur de revoir la France. Ces objets étaient une montre, une croix en or et en argent, un petit vase en porcelaine de Chine. Ces deux derniers objets, je les possède encore. Je voulais aussi me défaire de tout l'argent que j'avais, à la réserve de quelques pièces d'or que je voulais cacher dans la peau de mouton qui m'enveloppait le pied, espérant que les Russes, en me prenant, n'iraient pas chercher dans les chiffons. Grangier, qui m'avait écouté sans m'interrompre, me demanda si j'avais la fièvre ou si je rêvais. Je lui répondis que tant qu'à la fièvre, effectivement, je l'avais, mais que je n'étais pas dans le délire. Il se mit à me faire de la morale, en me rappelant mon courage dans des situations plus terribles que celles où nous nous trouvions. « Oui, lui dis-je, mais alors j'avais plus de force qu'à présent. » Il m'assura que j'en avais dit autant au passage de la Bérézina, où j'étais pour le moins aussi malade et que, cependant, depuis j'avais fait 80 lieues. Que pour 15 qu'il restait à arriver à Kovno, et que l'on ferait en 2 jours, il n'y avait pas de doute qu'avec le secours de mes amis, je pourrais fort bien les faire. Que demain, l'on ne faisait que 4 lieues. « Aussi, me dit-il, tâche de te reposer, mais avant tout renferme les objets. » Je prendrai seulement ta bouilloire que je porterai. Et moi, dit un autre, 7 secondes giberne, la giberne du docteur, qui doit te gêner. Pendant ce temps, Rossi, qui était couché près de moi, me dit, mon cher ami, vous ne resterez pas seul demain matin. Je partagerai votre sort, car je suis pour le moins aussi malade que vous. La journée d'aujourd'hui m'a tellement épuisé que je ne saurais aller plus loin. Cependant, me dit-il, si lorsque l'arrière-garde passera, nous pouvons marcher avec elle, nous le ferons, car nous aurons quelques heures de repos de plus. Si nous ne nous sentons pas assez de force pour la suivre, nous nous éloignerons sur la droite. Le premier village, le premier château que nous trouverons, nous irons nous mettre à la disposition du baron ou seigneur. Peut-être aura-t-on pitié de nous. Je sais peindre un peu. Jusqu'au moment où, bien portant, nous pourrons gagner la Prusse ou la Pologne, il est probable que les Russes n'iront pas plus loin que Kovno. Je lui dis que je ferai comme il voudrait. M. Serraris, à qui Grangier venait de faire part de mon dessein, s'approcha de moi pour me consoler. Il me dit que tant qu'à mes douleurs, ce n'était rien, qu'elles ne provenaient que de la fatigue d'hier. Il me fit coucher devant le feu, et comme fort heureusement le bois ne manquait pas, l'on en fit un bond à me rôtir. Ce feu me fit tant de bien que je sentais mes douleurs diminuer, et un bien-être qui me fit dormir quelques heures. Il en fut de même pour le pauvre Rossi. En 1830, je fus nommé officier d'état-major à Brest, le jour de mon arrivée, étant à table avec ma femme et mes enfants, à l'hôtel de Provence où j'étais logé, il y avait en face de moi un individu ayant une fort belle tenue et qui me regardait souvent. À chaque instant, il cessait de manger et le bras droit appuyé sur la table pour reposer sa tête, semblait réfléchir, ou plutôt se rappeler quelques souvenirs. Ensuite, il causait avec le maître de la maison. Ma femme, qui était auprès de moi, me le fit remarquer. « Effectivement, lui dis-je, cet homme commence à m'intriguer, et si cela continue, je lui demanderai ce qu'il me veut. » Au même moment, il se lève, jette sa serviette à terre et passe dans un bureau où était le registre des voyageurs. Il rentre dans la salle en s'écriant à haute voix. « C'est lui, je ne me trompais pas !» en m'appelant par mon nom. « C'est bien mon ami !» Je le reconnais à sa voix, et nous sommes dans les bras l'un de l'autre. C'était Rossi, que je n'avais pas revu depuis 1813, depuis 17 ans. Il me croyait mort, et moi je pensais de même de lui, car j'avais appris à ma rentrée des prisons qu'il avait été blessé sous les murs de Paris. Cette reconnaissance intéressa toutes les personnes qui se trouvaient présentes, au nombre de plus de 20. Il fallut compter nos aventures de la campagne de Russie. Nous le fîmes de bon cœur. Aussi, à minuit, nous étions encore à table, à boire le champagne à la mémoire de Napoléon. Il n'est pas étonnant que d'abord je n'aie pas reconnu mon camarade, car de délicat qu'il était, je le retrouvais fort et puissant, les cheveux presque gris. Il était de Montauban et riche négociant. Quand le moment du départ arriva, je ne pensais plus à rester. Mais il me fut impossible de marcher seul. Grangier et Le Boud me soutinrent sous les bras. L'on en fit autant à Rossi. Au bout d'une demi-heure de marche, j'étais beaucoup mieux. Mais il fallut pendant toute la route le secours d'un bras et souvent de deux. De cette manière, nous arrivâmes de bonne heure au petit village où nous devions coucher. Il s'y trouvait fort peu d'habitations. Et quoique nous fussions arrivés des premiers, nous fûmes obligés de coucher dans une cour. Le hasard nous procura beaucoup de paille. Nous nous en servions pour nous couvrir, mais comme le malheur nous poursuivait toujours, le feu prit à la paille. Chacun se sauva comme il put. Plusieurs eurent leurs capotes brûlées. Un fourrier de Vélite nommé De Couchère fut plus malheureux que les autres. Le feu prit à sa giberne, dans laquelle il y avait des cartouches. Il eut toute la figure brûlée. Et tant qu'à moi, sans le secours des camarades, j'aurais peut-être rôti, vu l'impossibilité de me mouvoir, si l'on ne m'avait pas pris par les épaules et par les jambes et traîné contre la baraque où était logé le général Roguet avec d'autres officiers supérieurs qui se sauvèrent en voyant les flammes, pensant que c'était l'habitation qui brûlait. Après, cette mésaventure, un vent du nord arriva qui souffla avec force, et comme nous étions sans abri, nous entrâmes dans la maison du général, composée de deux chambres. Nous en prîmes une malgré lui. Nous nous entassâmes les uns à côté des autres. Plus de la moitié fut obligée de rester debout toute la nuit, mais c'était toujours mieux que de rester exposé à un mauvais temps qui eût infailliblement fait périr les trois quarts de nous. 13 décembre. La journée de marche que nous devions faire pour arriver à Kovno était au moins de 10 lieues. Aussi le général Roguet nous fit partir avant le jour. Il était tombé des grains de pluie grêlés qui formaient sur la route une glace à nous empêcher de marcher. Si je n'avais pas eu, comme la veille, le secours de mes amis, j'aurais probablement, comme beaucoup d'autres, terminé mon grand voyage le dernier jour où nous sortions de la Russie. À peine le jour commençait-il à paraître que nous arrivâmes au pied d'une montagne qui n'était qu'une glace. Que de peine nous eûmes pour la franchir. Il fallut se mettre par groupes serrés fortement les uns contre les autres, afin de se soutenir mutuellement. J'ai pu remarquer que dans cette marche, l'on était plus disposé à se secourir les uns les autres. C'est probablement parce que l'on pensait pouvoir arriver au terme de son voyage. Je me souviens que lorsqu'un homme tombait, l'on entendait les cris « Arrêtez, il y a un homme de tombé !» J'ai vu un sergent-major de notre bataillon s'écrier « Arrêtez donc, je jure que l'on n'ira pas plus avant, tant que l'on n'aura pas relevé et ramené les deux hommes que l'on a laissés derrière. » C'est par sa fermeté qu'ils furent sauvés. Arrivé au haut de la montagne, il faisait assez jour pour y voir, mais la pente était tellement rapide et la glace si luisante que l'on osait se hasarder. Le général Roguet, quelques officiers et plusieurs sapeurs qui marchaient les premiers étaient tombés. Quelques-uns se relevèrent, et ceux qui étaient assez forts pour se conduire se laissèrent aller sur le derrière, se gouvernant avec les mains. D'autres moins forts se laissèrent aller à la grâce de Dieu. C'est dire qu'ils roulèrent comme des tonneaux. Je fus du nombre de ces derniers, et je serais probablement allé me jeter dans un ravin et me perdre dans la neige sans Grangier, qui, plein de courage et encore fort, se portait toujours devant moi en reculant et s'arrêtant dans la direction où je devais m'arrêter en roulant. Alors il enfonçait la baïonnette de son fusil dans la glace pour se tenir, et lorsque j'étais arrivé, il s'éloignait encore en glissant et faisait de même. J'arrivais en bas meurtri, abîmé, et la main gauche ensanglantée. Le général avait fait faire halte pour s'assurer si tout le monde était arrivé, et comme la veille, on s'était assuré du nombre d'hommes présents. On vit avec plaisir qu'il ne manquait personne. Le grand jour était venu. Alors on s'aperçut avec surprise que l'on aurait pu éviter cette montagne en la tournant par la droite, où il n'y avait que de la neige. Ceux des autres corps qui marchaient après nous arrivaient de ce côté sans accident. Cette traversée m'avait fatigué, à ne pouvoir marcher que fort lentement, et comme je ne voulais pas abuser de la complaisance de mes amis, je les priai de suivre la colonne. Cependant un soldat de la compagnie resta avec moi. C'était un piémontais. Il se nommait Falopa. Il y avait plusieurs jours que je ne l'avais vu. Ceux qui ont toujours été assez heureux pour conserver leur santé, n'avoir pas les pieds gelés et marcher toujours à la tête de la colonne, n'ont pas vu les désastres comme ceux qui, comme moi, étaient malades ou estropiés, car les premiers ne voyaient que ceux qui tombaient autour d'eux, tandis que les derniers passaient sur la longue traînée des morts et des mourants que tous les corps laissaient après eux. Ils avaient encore le désavantage d'être talonnés par l'ennemi. Falopa, ce soldat de la compagnie que l'on avait laissé avec moi, ne paraissait pas être dans une position meilleure que la mienne. Nous marchons ensemble depuis un quart d'heure, lorsqu'il se tourna de mon côté en me disant « Eh bien, mon sergent, si nous avions ici les petits pots de graisse que vous m'avez fait jeter lorsque nous étions en Espagne, vous seriez bien content et nous pourrions faire une bonne soupe. » Ce n'était pas la première fois qu'il disait ça. Et en voici la raison. C'est un épisode assez drôle. Un jour que nous venions de faire une longue course dans les montagnes des Asturies, nous vînmes loger à Saint-Éliome, petite ville dans la Castille, sur le bord de la mer. Je fus logé avec ma subdivision dans une grande maison qui formait l'aile droite de la maison de ville. Cette partie très vaste était habitée par un vieux garçon absolument seul. En arrivant chez lui, nous lui demandâmes si avec de l'argent nous ne pourrions pas nous procurer du beurre ou de la graisse, afin de pouvoir faire la soupe et accommoder des haricots. L'individu nous répondit que pour de l'or, on n'en trouverait pas dans toute la ville. Un instant après, nous fûmes à l'appel. Je laissai Falopa faire la cuisine et je chargeai un autre homme de chercher, dans la ville, du beurre ou de la graisse. Mais on n'en trouva pas. Lorsque nous rentrâmes, la première chose que Falopa nous dit en rentrant fut que le bourgeois était un coquin. « Comment cela ? » lui dis-je. « Comment cela ? » nous répondit-il. « Voyez. » Il me montra trois petits pots en grès contenant de la belle graisse que nous reconnûmes pour de la graisse d'oie. Alors chacun se récria. « Voyez le gueux d'Espagnol ! Voyez-vous le coquin ?» Notre cuisinier avait fait une bonne soupe, et dans le dessus de la marmite, il avait accommodé des haricots. Nous nous mîmes à manger sous une grande cheminée qui ressemblait à une porte cochère. Lorsque l'Espagnol rentra, enveloppé dans son manteau brun, et nous voyant manger, nous souhaita bon appétit. Je lui demandai pourquoi il n'avait pas voulu nous donner de la graisse en payant, puisqu'il en avait. Il me répondit, « Non, seigneur, je n'en avais pas. Si j'en avais eu, je vous en aurais donné avec plaisir et pour rien. » Alors Falopa, prenant un des petits pots, le lui montra. « Et cela, ce n'est pas de la graisse ?» dit coquin d'Espagnol. En regardant le petit pot, il change de couleur et reste interdit. Pressé de répondre, il nous dit que c'était vrai, que c'était de la graisse, mais de la manteca de la douane, de la graisse de voleur. Que lui était le bourreau de la ville, et ce que nous avions trouvé et avec quoi nous avions fait de la soupe était de la graisse de pendu, qu'il vendait à ceux qui avaient des douleurs pour se frictionner. À peine avait-il achevé que toutes les cuillères lui volèrent par la tête. Il n'eut que le temps de se sauver, et aucun de nous, quoiqu'ayant très faim, ne voulut plus manger des haricots, car la soupe était presque toute mangée. Il n'y avait que Falopa qui continuait toujours en disant que l'Espagnol avait menti. Et quand cela serait, dit-il, la soupe était bonne et les haricots encore meilleurs. En disant cela, il m'en offrait pour en goûter, mais un mal de cœur m'avait pris, et je rendis tout ce que j'avais dans l'estomac. J'allais chez un marchand d'eau-de-vie, vis-à-vis de notre logement. Je lui demandai quel était l'individu chez qui nous étions logés. Il fit le signe de la croix en répétant à plusieurs reprises « Ave Maria, purissima, sin pecado concebida ». Il me dit que c'était la maison du bourreau. Je fus pendant quelque temps malade de dégoût. Mais Falopa, en partant, avait emporté le restant de la graisse, avec laquelle il prétendait nous faire encore de la soupe. Je fus obligé de le lui faire jeter, et c'est pour cela qu'en Russie, lorsque nous n'avions rien à manger, il me disait toujours ce que j'ai rapporté. Depuis une demi-heure, nous n'avions pas perdu la colonne de vue, preuve que nous avions assez bien marché. Il est vrai de dire que le chemin se trouvait meilleur, mais un instant après, il devint raboteux et aussi glissant que le matin. Le froid était très vif, et déjà nous avions rencontré quelques individus qui se mouraient sur la route, quoique vêtus d'épaisses fourrures. Il faut dire aussi que l'épuisement y était pour quelque chose. Falopa tomba plusieurs fois, et je pense que si je n'avais pas été avec lui pour l'aider à se relever, il serait resté sur la route. Le chemin devint meilleur. Nous pouvions apercevoir la longue traînée de la colonne qui marchait devant nous. Nous redoublâmes d'efforts pour la rejoindre, mais ne pûmes y parvenir. Nous trouvâmes sur notre passage un hameau de 5 à 6 maisons dont la moitié était en feu. Nous nous y arrêtâmes. Autour étaient plusieurs hommes dont une partie semblait ne pouvoir aller plus avant, et plusieurs chevaux tombés mourants, qui se débattaient sur la neige. Falopa se dépêcha de couper un morceau à la cuisse de l'un d'eux que nous fîmes cuire au bout de nos sabres, au feu de l'incendie des maisons. Pendant que nous étions occupés à cette besogne, plusieurs coups de canon se firent entendre dans la direction d'où nous venions. Regardant aussitôt de ce côté, j'aperçus une masse de plus de 10 000 traîneurs de toutes armes, en désordre sur toute la largeur de la route. Derrière eux marchait l'arrière-garde. Depuis, j'ai pensé que le maréchal Ney faisait quelquefois tirer le canon, afin de faire croire à tous ces malheureux que les Russes étaient encore près de nous, et par ce moyen, leur faire accélérer le pas, pour le même jour gagner Kovno. C'était une partie des débris de la grande armée. Notre viande n'était pas encore à moitié cuite que nous jugeâmes prudent de décamper au plus vite, pour ne pas être entraînés par ce nouveau torrent. Nous avions encore 6 lieues à faire pour arriver à Kovno, et déjà nous étions exténués de fatigue. Il pouvait être 11 heures. Falopa me disait, « Mon sergent, nous n'arriverons jamais aujourd'hui. Le ruban de queue est trop long. Nous ne pourrons jamais sortir de ce pays du diable. C'est fini. Je ne verrai plus ma belle Italie. » Pauvre garçon, il disait vrai. Il y avait bien 1 heure que nous marchions, depuis la dernière fois que nous nous étions reposés, lorsque nous rencontrâmes plusieurs groupes d'hommes de 40, de 50, plus ou moins composés d'officiers, de sous-officiers et de quelques soldats, portant au milieu d'eux l'aigle de leur régiment. Ces hommes, tout malheureux qu'ils étaient, paraissaient fiers d'avoir pu, jusqu'alors, conserver et garder ce dépôt sacré. L'on voyait qu'ils évitaient de se mêler, en marchant aux grandes masses qui couvraient la route, car ils n'auraient pu aller ensemble et en ordre. Nous marchâmes tant que nous pûmes avec ces petits détachements. Nous faisions tout ce que nous pouvions pour les suivre, mais le canon et la fusillade venant de nouveau à se faire entendre, ils s'arrêtèrent au commandement d'un personnage dont on n'aurait jamais pu dire aux guenilles qui le couvraient ce qu'il pouvait être. Je n'oublierai jamais le ton de son commandement. « Allons, enfants de la France, encore une fois, halte! Il ne faut pas qu'il soit dit que nous ayons doublé le pas au bruit du canon. Face en arrière !» Et aussitôt, ils se mirent en ordre sans parler et se tournèrent du côté d'où venait le bruit. Tant qu'à nous, qui n'avions pas de drapeau à défendre, puisqu'il était à plus d'une lieue devant, nous continuâmes à nous traîner. Nous fûmes bien heureux ce jour-là que le froid n'était pas rigoureux, car plus de 10 fois nous tombâmes sur la neige, de lassitude et certainement, s'il avait gelé comme le jour précédent, nous y serions restés. Après avoir marché pendant un certain temps au milieu d'hommes isolés comme nous, nous aperçûmes devant nous une ligne mouvante. Nous reconnûmes que c'était une colonne paraissant fort serrée, qui par moments marchait, ensuite s'arrêtait pour se mouvoir encore. Nous pûmes reconnaître qu'en cet endroit se trouvait un défilé. La route se trouve resserrée à droite sur une longueur de 500 à 600 mètres, par un monticule dans lequel elle a été coupée, et à gauche par un fleuve très large que je pensais être le Niémen. Là, les hommes forcés de se réunir en attendant que quelques caissons qui venaient de Vilna aient pu passer, se pressaient, se poussaient en désordre. C'était à qui passerait le premier. Beaucoup descendaient sur le fleuve couvert de glace pour gagner la droite de la colonne ou la fin du défilé. Plusieurs qui se trouvaient tout à fait sur le bord furent jetés en bas de la ligne qui était perpendiculaire et qui, en cet endroit, avait au moins 5 pieds de haut. Quelques-uns furent tués. Lorsque nous fûmes arrivés à la gauche de cette colonne, il fallut faire comme eux qui nous précédaient. Il fallut attendre. Je rencontrai un sergent des vélites de notre régiment nommé Poumeau, qui me proposa de traverser le fleuve avec lui en me disant que de l'autre côté nous trouverions des habitations où nous pourrions passer la nuit et qu'ensuite, le lendemain au matin, étant bien reposés, nous pourrions facilement gagner Kovno, car il n'y avait plus, disait-il, que 2 lieues au plus. Je consentis d'autant plus à sa proposition que je ne me sentais plus la force d'aller loin. Et puis l'espoir de passer la nuit dans une maison avec du feu. Je dis à Falopa de nous suivre. Poumeau descendit le premier. Je le suivis en me laissant glisser sur le derrière, mais lorsque j'eus fait quelques pas sur la neige qui recouvrait le fleuve par gros tas, je vis l'impossibilité d'aller plus loin. Alors je fis signe à Falopa qui n'était pas encore descendu de rester, car je venais de reconnaître que sous la neige, ce n'était que des amas de glace en pointe placés les uns sur les autres, formant par intervalles des tas raboteux, et d'autres sous lesquels il y avait des excavations. Ce bouleversement du fleuve était probablement survenu à la suite d'un dégel, ensuite d'une débâcle suivie d'une forte gelée qui les surprit et les arrêta dans leur course. Cependant Poumeau, qui marchait devant moi de quelques pas, s'était arrêté et, voyant que je ne le suivais pas, n'en effectua pas moins son passage, avec trois vieux grenadiers de la garde, mais c'est avec beaucoup de peine qu'ils arrivèrent à l'autre bord. Je me rapprochai de Falopa, dont j'étais séparé seulement par la hauteur de la digue, pour lui dire de suivre la gauche de la colonne, que tant qu'à moi, puisque j'étais descendu sur la glace, j'allais suivre de cette manière jusqu'à la fin du défilé, et que là j'attendrais. Aussitôt je me mis à marcher au-dessous de cette masse d'hommes qui avançait lentement, et qui ensuite s'arrêtait en criant et en jurant, car ceux qui étaient sur le bord, craignant de tomber au bas de la digue et sur la glace, comme c'était déjà arrivé à plusieurs que l'on voyait blessés, que l'on ne pensait pas à relever, et qui peut-être ne le furent jamais. J'avais déjà parcouru les trois quarts de la longueur du défilé, lorsque je m'aperçus que le fleuve tournait brusquement à gauche, tandis que la route, tout en s'élargissant, allait tout droit. Il me fallut revenir presque au milieu du défilé, à l'endroit où la digue me parut moins haute, et là, faisant de vains efforts, faible comme j'étais, et n'ayant qu'une main dont je pusse me servir, je ne pus jamais y parvenir. Je montai sur un tas de glace afin que l'on pût, sans se baisser beaucoup, me donner une main secourable. Je m'appuyai de la main gauche sur mon fusil, et je tendais l'autre à ceux qui, à portée de moi, pouvaient, par un petit effort, me tirer de là. Mais j'avais beau prier, personne ne me répondait. L'on n'avait seulement pas l'air de faire attention à ce que je disais. Enfin, Dieu eut encore pitié de moi. Dans un moment où cette masse d'hommes était arrêtée, je levai la tête, et voyant un vieux grenadier à cheval de la garde impériale, à pied, dans ce moment, les moustaches et la barbe couvertes de glaçons et enveloppées dans son grand manteau blanc, je lui dis toujours sur le même ton, « Camarade, je vous en prie, puisque vous êtes comme moi de la garde impériale, secourez-moi. En me donnant une main, vous me sauvez la vie. »« Comment voulez-vous, me dit-il, que je vous donne une main? Je n'en ai plus. » À cette réponse, je faillis tomber en bas du tas de glace. Mais reprit-il, « Si vous pouvez vous saisir du pan de mon manteau, je tâcherai de vous tirer de là. » Alors il se baissa, j'empoignai le pan du manteau, je le saisis de même avec les dents, et j'arrivai sur le chemin. Heureusement que dans ce moment l'on ne marchait pas, car j'aurais pu être foulé aux pieds, sans peut-être pouvoir jamais me relever. Lorsque je fus bien assuré, le vieux grenadier me dit de me tenir fortement à lui, afin de ne pas en être séparé. Ce que je fis, mais avec bien de la peine, car l'effort que je venais de faire m'avait beaucoup affaibli. Un instant après, l'on commença à marcher. Nous passâmes près de trois chevaux abattus, dont le caisson était renversé dans le fleuve. C'est ce qui occasionnait le retard dans la marche. Enfin, nous arrivâmes au point où le défilé s'élargissait et où chacun pouvait marcher plus à l'aise. À peine avions-nous fait 50 pas au-delà, que le vieux brigadier me dit « Arrêtons-nous un peu pour respirer. » Je ne demandais pas mieux. Alors il me dit « Je viens de vous rendre un service. Oui, un bien grand, vous m'avez sauvé la vie. » « Ne parlons plus de cela, continua-t-il. Je vous ai dit que je n'avais plus de mains. C'est de doigts que j'ai voulu dire. Ils sont tous tombés. Ainsi, c'est tout comme. Il faut qu'à votre tour, vous me rendiez un autre service. J'ai depuis quelque temps envie de satisfaire un besoin naturel, que je n'ai pu faire faute d'un second. Je vous comprends, mon vieux, heureux de pouvoir m'acquitter envers vous. » Aussitôt, nous nous mîmes à quelques pas sur le côté de la route, et de la main que j'avais encore bonne, je parvins non sans peine à défaire ses pantalons. Une fois la besogne finie, je voulus lui refaire, mais la chose me fut impossible, et sans un second qui se trouvait près de nous, et qui eut pitié de notre embarras, en achevant ce que j'avais commencé, je n'aurais jamais pu en sortir. Dans ce moment, Falopa, que j'avais laissé à l'entrée du défilé, arriva en pleurant et jurant en italien, disant qu'il ne pourrait jamais aller plus loin. Le vieux grenadier me demanda quel était cet animal qui pleurait comme une femme. Je lui dis que c'était un barbet, un piémontais. « Ce n'est pas lui, répondit-il, qui ira revoir les marmottes et les ours de ces montagnes. » J'encourageai le pauvre Falopa à marcher. Je lui donnai le bras, et nous continuâmes à suivre la colonne. Il pouvait être 5 heures, nous avions encore plus de 2 lieues à faire pour arriver à Kovno. Le vieux grenadier me conta qu'il avait eu les doigts gelés avant d'arriver à Smolensk, et qu'après avoir souffert des douleurs atroces, jusqu'après le passage de la Bérézina, en arrivant à Zieblin, il avait trouvé une maison où il avait passé la nuit, que pendant cette nuit tous les doigts lui étaient tombés les uns après les autres, mais que depuis il ne souffrait plus autant à beaucoup près que son camarade, qui ne l'avait jamais quitté, avait voulu tirer à la montagne près de Vilna, monter à la roue, pour avoir de l'argent, et que depuis ce jour il ne l'avait plus revu. Après avoir marché encore une demi-heure, nous arrivâmes dans un petit village, où nous nous arrêtâmes dans une des dernières maisons pour nous y reposer et nous échauffer un peu, mais nous ne pûmes y trouver place, car depuis l'entrée de la maison jusqu'au fond, ce n'étaient que des hommes étendus sur de la mauvaise paille, qui ressemblaient à du fumier, et qui poussaient des cris déchirants accompagnés de jurements, lorsqu'on avait le malheur de les toucher. Presque tous avaient les pieds et les mains gelés. Nous fûmes obligés de nous retirer dans une écurie où nous rencontrâmes un grenadier à cheval de la garde, du même régiment et du même escadron que notre vieux. Il avait encore son cheval, et dans l'espérance de trouver un hôpital à Kovno, se chargea de son camarade. Nous avions encore une lieue et demie à faire, et depuis un moment, le froid était considérablement augmenté. Dans la crainte qu'il ne devînt plus violent, je dis à Falopa qu'il nous fallait partir, mais le pauvre diable qui s'était couché sur le fumier ne pouvait plus se relever. Ce n'est qu'en priant et en jurant que je parvins avec le secours du grenadier à cheval à le remettre sur ses jambes et à le pousser hors de l'écurie. Lorsqu'il fut sur la route, je lui donnai le bras. Quand il fut un peu réchauffé, il marcha encore assez bien, mais sans parler, pendant l'espace d'une petite lieue. Pendant le temps que nous étions arrêtés au village, la grande partie des traîneurs de l'armée, ceux qui marchaient en masse, nous avaient dépassés. L'on ne voyait plus en avant comme en arrière que des malheureux comme nous, enfin ceux dont les forces étaient anéanties. Plusieurs étendus sur la neige, signe de leur fin prochaine. Falopa, que j'avais toujours amusé jusque-là en lui disant « Nous y voilà, encore un peu de courage !» s'affaissa sur les genoux, ensuite sur les mains. Je le crus mort et je tombai à ses côtés, accablé de fatigue. Le froid qui commençait à me saisir me fit faire un effort pour me relever, ou pour dire la vérité, ce fut plutôt un excès de rage, car c'est en jurant que je me mis sur les genoux. Ensuite, saisissant Falopa par les cheveux, je le fis asseoir. Alors il sembla me regarder comme un débété. Voyant qu'il n'était pas mort, je lui dis « Du courage, mon ami, nous ne sommes plus loin de Kovno, car j'aperçois le couvent qui est sur notre gauche. Ne le vois-tu pas comme moi ?»« Non, mon sergent, me répondit-il, je ne vois que de la neige qui tourne autour de moi. Où sommes-nous » Je lui dis que nous étions près de l'endroit où nous devions coucher et trouver du pain et de l'eau de vie. Dans ce moment, le hasard amena près de nous 5 paysans qui traversaient la route sur laquelle nous étions. Je proposai à 2 de ces hommes, moyennant chacun une pièce de 5 francs, de conduire Falopa jusqu'à Kovno. Mais sous prétexte qu'il était tard et qu'ils avaient froid, ils firent quelques difficultés. Comprenant aussitôt que c'était plutôt la crainte de ne pas être payé, car ils parlaient la langue allemande, et je devinais par quelques mots de quoi il était question. Je pris 2 pièces de 5 francs dans ma carnassière, et j'en donnai une en promettant l'autre en arrivant. Ils furent contents. Ensuite, je dis aux 3 autres de se diriger en arrière, où était le chasseur près duquel nous étions passés, et qu'ils auraient de l'argent pour le conduire à la ville. Ils y furent de suite. 2 paysans avaient relevé Falopa, mais le pauvre diable n'avait plus de jambes. Ils parurent embarrassés. Alors, je leur indiquai un moyen. C'était de l'asseoir sur un fusil en le maintenant derrière, chacun avec un bras. Mais de cette manière, nous n'allâmes pas loin. Ils se décidèrent à le porter sur leur dos, chacun à son tour, tandis que l'autre portait son sac et son fusil et me prenait sous le bras, car je ne pouvais plus lever les jambes. Pendant le trajet pour arriver à la ville, qui n'était que d'une demi-lieue, nous fûmes obligés de nous arrêter 5 ou 6 fois pour nous reposer et changer Falopa de dos. S'il nous eût fallu marcher 1 quart d'heure de plus, nous ne fussions jamais arrivés. Pendant ce temps, des masses de traîneurs nous avaient dépassés. Mais beaucoup d'autres, ainsi que l'arrière-garde, étaient encore derrière nous. On entendait encore, par intervalles, quelques coups de canon qui semblaient nous annoncer le dernier soupir de notre armée. Enfin, nous arrivâmes à Kovno par un petit chemin que nos paysans connaissaient et que la colonne ne suivait pas. Le premier endroit qui s'offrit à notre vue fut une écurie. Nous y entrâmes. Les paysans nous y déposèrent, mais avant de leur donner la dernière pièce de 5 francs, je les suppliai de nous chercher un peu de paille et de bois. Ils nous apportèrent un peu de l'un et de l'autre, et nous firent même du feu. Car quant à moi, il m'eût été impossible de me bouger, et pour Falopa, je le regardais comme mort. Il était assis dans la coignure de la muraille, ne disant rien, mais faisant par moments des grimaces, ensuite portant les mains à sa bouche, comme pour les manger. Le feu allumé devant lui parut lui rendre quelque vigueur. Enfin, je payai mes paysans. Avant de nous quitter, ils nous apportèrent encore du bois. Ensuite, ils partirent en me faisant comprendre qu'ils reviendraient. Confiant dans leur promesse, je leur donnai 5 francs, en les priant de me rapporter n'importe quoi, du pain, de l'eau-de-vie ou autre chose. Ils me le promirent, mais ne revinrent plus. Pendant que nous étions dans l'écurie, il se passait dans la ville des choses bien tristes. Les débris de corps arrivés avant nous, et même la veille, n'ayant pu se loger, bivouaquaient dans les rues. Ils avaient pillé les magasins de farine et d'eau-de-vie. Beaucoup s'enivrèrent et s'endormirent sur la neige pour ne plus se réveiller. Le lendemain, on m'assura que plus de 1500 étaient morts de cette manière. Après le départ des paysans, 5 hommes, dont 2 de notre régiment, vinrent prendre place dans l'écurie, mais comme en arrivant, ils avaient rencontré des soldats qui revenaient de l'intérieur de la ville et qui leur avaient dit qu'il y avait de la farine et de l'eau-de-vie, 2 se détachèrent pour tâcher d'en avoir. Ils nous laissèrent leurs sacs et leurs armes, mais ne revinrent plus. Pour comble de malheur, je n'avais rien pour faire cuire du riz, car Grangier avait ma bouilloire, et personne des 3 hommes restés avec nous n'avait rien dont nous puissions nous servir, et pas un ne voulut se bouger pour aller chercher un pot. Pendant ce temps, le canon grondait toujours, mais probablement à plus d'une lieue de distance. On entendait aussi le gémissement du vent, et au milieu de ce bruit terrible, il me semblait entendre les cris des hommes mourant sur la neige, qui n'avaient pu gagner la ville. Quoique dans cette journée le froid ne fût pas excessif, il n'en périt pas moins une grande quantité d'hommes. Car pour ceux qui venaient de Moscou, c'était le dernier effort que l'homme put faire. Sur peut-être 40 ou 50 000 hommes qui couvraient le parcours de 10 lieues, il n'y en avait pas la moitié qui avait vu Moscou. C'était la garnison de Smolensk, d'Orcha, de Vilna, ainsi que les débris des corps d'armée des généraux Victor et Oudino et de la division du général Loison, que nous avions rencontré mourant de froid avant d'arriver à Vilna.